Chapitre 7e. Les journées qui suivirent l'installation dans cet asile d'hiver furent pour Noémie d'une douceur toute physique et par suite irrésistible, qui la reposa comme malgré elle des semaines qu'elle venait de subir. Toutes les villes possèdent une sorte d'atmosphère morale qui flotte autour d'elles et qu'on respire sans bien en pouvoir analyser les éléments, de même qu'elles possèdent leur atmosphère matérielle où se combinent tant d'influences, soit bienfaisante, soit dangereuse. Cannes est une ville de malades et de malades anglais, c'est-à-dire qui veulent autour de leur agonie ou de leur convalescence cette solitude du home qui fait le premier besoin de tout anglais. C'est pour correspondre à ce désir que les villas s'espacent le long de la côte, depuis la vieille cité qui masse sur la colline ses maisons serrées, d'une physionomie presque italienne, jusqu'à la pointe de la Croisette, où les grands pins ondoient au bord de la mer bleue en face des îles. La plupart de ces villas sont entourées de jardins qui masquent aux promeneurs la vue de leur intimité. À de certaines heures, comme au moment où la fraîcheur du coucher du soleil rend l'air meurtrier pour les poitrines délicates, les passants se font rares dans les rues encore toutes claires. Et nul bruit n'arrive aux demeures closes, sinon, lorsqu'elles sont voisines de la mer, ce roulement des flots, dont même la monotonie inarticulée semble destinée à endormir mieux celui qui va s'assoupir pour toujours. À d'autres heures, c'est dans cette ville, silencieuse parfois comme le tombeau, des réveils heureux comme une espérance. Par les beaux matins, le ciel révèle les molles transparences d'un horizon italien ou grec. La ligne des montagnes neigeuses qui ferment le golfe se dessine toute blanche sur cet azur. Dans les creux des collines plus basses qui déballent vers la mer en pente gracieuse, il semble que de la lumière violente traîne, emprisonnée. Sur une mer couleur de saphir, des voiles éblouissantes passent. Une douceur de vivre flotte dans l'air, qui nuance de rose des joues d'ordinaire trop pâles, et c'est une illusion de printemps qu'un nuage va dissiper. Mais justement, ces passages de caressante lumière et de frissonnante mélancolie, ce silence et cette solitude, cette gaieté du soleil et cette froideur de l'ombre, avec leurs alternances soudaines, font la poésie originale de ce coin de monde, une oasis d'éternelle verdure profondément apaisante pour un cœur qui saigne. Et Mademoiselle Hurtrel ressentait, sans le savoir, cet apaisement, au fond du petit salon qu'elle s'était approprié, asile que garnissait une moisson de fleurs aux parfums enveloppants. Narcisse blanc et jaune, rose blonde et rose, mimosa dorée, pâle violette de Parme et sombre violette russe. Elle commençait à connaître ce qui est le seul bienfait des douleurs à lancination périodique. Elle apprenait à savourer, comme une jouissance, les insensibilités de l'intervalle des crises, ces anéantissements de l'âme épuisée, qui n'a plus assez de force vive pour suffire à des attaques nouvelles de son mal. Comme ces dames étaient arrivées très tard dans la saison, elle n'avait pu louer qu'une villa d'assez médiocre apparence, qui se trouve tout à fait la dernière sur la pointe de la Croisette, au-delà de cette romanesque et mystérieuse villa des dunes, laquelle avait, cette année-là, pour hôtesse, une malade impériale. Mais cette villa solitaire de la comtesse Hurtrel et de sa fille portait au fronton de son entrée un nom délicieux qui avait, dès le premier jour, enchanté Noémie. Dans ce pays béni de la Provence, qui est véritablement un jardin d'hiver aux portes de l'Italie, la prodigalité des belles fleurs séduit d'abord les malades, et il en résulte, ou bien qu'ils choisissent d'eux-mêmes pour désigner leur dernier gîte l'emblème de ces dernières fleurs qu'ils respireront, ou encore que les spéculateurs de terrain, devenus idylliques par calcul, se conforment à ce goût en parant, eux aussi, du souvenir de ces charmantes fleurs, les maisons qu'ils veulent louer. Aussi, toutes les demeures de Cannes s'appellent-elles qui la villa des lys, qui des mimosas, qui des bruyères, qui des anthémis, qui des roses et qui des muguets. Celle où la comtesse habitait avait nom villa des cities, à cause de la présence dans le jardin, et par exception à Cannes, de deux de ces frêles arbustes que le peuple a si joliment baptisés, des pluies d'or. Et malgré la distance, comme Noémie, grâce à ses forces revenues, paraissait moins sombre, et que Madame Hurtrel avait retrouvé beaucoup de ses amis, le salon de cette villa au nom sauvage fut bientôt peuplé de visiteurs. Les 5 heures de la comtesse devinrent une occasion de rendez-vous pour beaucoup d'oisifs de cette plage, qui faisaient, eux aussi, partie de la vaste table d'hôtes européennes. Véritables grands seigneurs en quête de distraction, demi-aventuriers de la haute vie en quête de hasard, diplomates en disponibilité, vieillards millionnaires qui finissaient de mourir au soleil. Tous ces visiteurs se rencontraient aux Cities, deux ou trois fois par semaine, à la fin des après-midi, et la comtesse échangeait avec chacun d'eux les petites nouvelles de l'aristocratie d'élégance de tous les pays, et Noémie offrait les tasses de thé, souriante et sans trop d'efforts. Les retours de la crise se faisaient moins fréquents. Un rien de couleur reparaissait sur la pâleur blonde de son visage, et comme l'hiver fut cette année-là d'une douceur exceptionnelle, peut-être la convalescence de cette âme se serait-elle achevée par la convalescence complète de ce corps délicat, si un des habitués de la villa n'avait présenté à ces dames un jeune noble anglais d'une singularité d'aspect et d'esprit tout à fait exceptionnelle, qui exerça au bout de quelques visites sur la pensée de la jeune fille une influence extraordinaire, influence qui se comprendra mieux par une simple esquisse du personnage. Cet homme, dont le nom est aujourd'hui célèbre parmi une élite d'initiés, s'appelait Sir Richard Wadham. Sa seule physionomie offrait, au premier comme au second regard, un je ne sais quoi de si étrangement différent de tous les autres, que même à des années de distance, et ne l'ayant vu qu'une fois, la personne la moins observatrice l'aurait reconnu. Il était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, et d'une sveltesse de forme qui eût été déplaisante, si une souplesse presque sinueuse de ses mouvements n'eût donné à ce corps tout mince une grâce un peu maniérée et serpentine, mais qui séduisait. Ce qu'il y avait de frappant, lui, jusqu'au fantastique, c'était, sur ce corps frêle, une tête presque trop forte, avec un visage d'une fraîcheur d'adolescent, un tout jeune visage aux traits menus, et qui semblait aussi lisse que celui d'une femme, où des yeux d'un gris pâle s'ouvraient rêveusement. La bouche charmante montrait, dans son sourire, des dents toutes fines et bien rangées, et cet ensemble s'encadrait dans la masse d'une chevelure jadis châtaine, mais qui avait grisonné prématurément jusqu'à devenir tout à fait blanche. Le contraste de cette extrême jeunesse de traits avec ce signe d'une sorte de vieillesse précoce marquait cette physionomie d'un caractère sans analogue. On éprouvait devant cet être énigmatique, ainsi que devant certains portraits de saints et de saintes, celui par exemple d'une religieuse de Port-Royal par Philippe de Champaigne au Louvre, l'impression que la vie spirituelle était là, portée à son degré le plus intense. Mais l'air de quiétude, comme répandu sur toute la personne de Sir Richard, attestait que cette spiritualité n'était pas obtenue à force de mortification. Aussi naturellement que les autres hommes se meuvent dans le monde de la matière, celui-là semblait aller et venir, respirer et agir, dans une sorte d'éther raréfié. Il tenait d'ordinaire sa tête un peu penchée sur son épaule gauche. Tout en parlant, il appuyait son index allongé sur sa tempe du même côté, et l'on pouvait voir sa main, tout en doigt, où brillaient plusieurs pierres précieuses, dont une large émeraude. Car il avait la passion des bijoux, et sa toilette offrait le petit ridicule d'une recherche un peu trop spéciale, où se révélait le souci de marquer d'une empreinte rare les moindres objets auxquels sa personnalité se trouvait mêlée. Il causait, et sa voix achevait d'en faire une créature unique, tant elle était musicale et pure, et si bien adaptée à cette délicieuse langue anglaise, la seule qu'il parla ou qu'il voulut parler, comme s'il s'était imposé la règle de ne faire jamais rien de ce qu'il ne faisait pas à la perfection. Il se rencontre rarement que la physionomie soit en accord complet avec la personne intérieure, car la première, surtout dans les années de la jeunesse, est presque uniquement l'œuvre de l'hérédité, tandis que les mille égarements de l'éducation et du milieu concourent à déformer l'autre. Ce qui assurait à Sir Richard Wadham une place tout à fait à part, dans le souvenir de ceux qu'il avait fréquentés, c'était l'harmonie de son être visible et de son être invisible. Celui-ci était simplement la traduction de celui-là. Ceux qui ont voyagé en Angleterre ont pu constater que la race s'y distribue en deux types très distincts, l'un prodigieusement robuste et positiviste, le second tout au contraire d'un idéalisme incomparable. C'est d'après des exemplaires de ce dernier type que Shakespeare, le grand connaisseur de l'âme de sa contrée, a dessiné certains visages de ces femmes d'une suavité pourtant si vivante. À ce même groupe se rattachent plusieurs artistes singuliers, tels que le pauvre Cowper qui mourut fou, le noble Shelley, pour lequel ce monde fut toujours un songe, tel encore que le subtil calculateur Edgar Poe, dont les lettres intimes attestent qu'il conserva jusqu'à la fin, à travers ses charlatanismes et ses folies, le culte d'un amour véritablement angélique, au sens exact de ce terme. Sir Richard Wadham était un homme de cette tradition. Les principes essentiels de son activité n'étaient ni des sensations ni des sentiments. C'étaient des idées. Toute sa nature s'expliquait par une adoration religieuse de la beauté, mais d'une beauté souverainement rare et pure. Né au Moyen-Âge, il eut vieilli et il fut mort dans un cloître. Mais élevé par un père que sa noblesse n'empêchait pas d'être radical en politique et positiviste dans sa philosophie, Richard avait été détourné tout jeune d'un emploi pratique de sa dévotion native. Il avait connu à l'université les lettres païennes, et c'est sur les choses de l'art que toute sa pensée avait reporté sa ferveur. Alors commençait de se développer dans sa patrie ce mouvement intellectuel, aujourd'hui achevé dans l'anarchie et parfois le ridicule, dont les peintres dits pré-raphaélites furent les initiateurs vraiment convaincus. Les tendances mythiques de ces artistes, leur souci de doubler de mystère toute leur création, leur effort pour demeurer à la fois très symbolique et très réel, la complication de leur esthétique à demi païenne et à demi dantesque, leur sincérité enfin et leur vertu de cénacle, devaient attirer particulièrement un esprit possédé comme celui de Sir Richard Wadham par des exigences d'un ordre analogue. Il commença de peindre sous la direction du chef du chœur, de ce Gabriel Rossetti qu'il était si difficile d'approcher sans subir son influence, et qui avait posé d'une manière neuve le grand problème des artistes modernes, la question du passage de l'idée à l'image, de l'analyse à la poésie, de l'esprit critique à l'esprit créateur. À partir du jour où ses préoccupations d'art furent entrées dans la pensée de Richard, elles n'en sortirent plus. Elles devinrent l'unique raison d'être de sa vie, et sa fortune considérable lui servit seulement à établir une solitude autour de ses songes. Depuis un an, les médecins l'avaient envoyé à Cannes, redoutant pour lui la grande maladie anglaise, la consomption, fille du climat et de l'excessif travail de la race. Il avait acheté une villa sur la hauteur et aménagé dans cet asile un atelier duquel il ne sortait guère, absorbé tout entier par des essais d'une peinture toute rêvée, que ses amis disaient extraordinaire, peu d'amis car ce Richard, par un scrupule limité de son maître Rossetti, et pour ne pas sentir peser sur sa fantaisie le jugement d'autres esprits, ne montrait ses œuvres quasi à personne. Lorsque de pareils procédés ne sont pas le résultat d'un maladif amour-propre, ils témoignent d'une énergique puissance d'idéal et d'une ardente adoration de la beauté. N'est-ce pas le propre de toutes les grandes passions, et d'elles seules, de n'avoir pas besoin de la présence d'autrui pour contrôler leur bonheur et encourager leur exaltation? Et la spiritualité de cet homme, cette spiritualité dont faisait foi la coupe si noble de son front, la délicatesse de ses narines, la finesse de ses lèvres et la fierté de son regard, était si entière qu'à 26 ans il était aussi chaste qu'une vierge. Comme le grand besoin de sa personne avait été, par une sorte de moralité esthétique, de mettre en accord son existence intérieure et son existence extérieure, il avait pris en dégoût dès ses premières années tous les compromis de conscience, même ceux que les hommes les plus délicats ne se font guère scrupule d'accepter. Il lui eût été parfaitement impossible de s'abandonner sans remords aux curiosités ou aux accommodements de la volupté facile. Comme il n'avait jamais rencontré de femme qu'il aimât d'un amour profond, il s'était emprisonné dans une pureté de mœurs absolue, et cela sans beaucoup d'efforts. Car, au rebours d'un préjugé universel, c'est un phénomène bien connu des confesseurs et des médecins qu'une telle pureté peut être assez facile à conserver, pourvu qu'elle ait été absolue et qu'il n'y ait jamais eu développement des sens par le plaisir. Il est presque impossible de redevenir chaste. Il est possible de rester vierge, surtout lorsqu'il y a, si l'on peut dire, substitution de facultés, et que le démesuré fonctionnement du cerveau absorbe toute la sève vitale. C'était le cas pour Sir Richard. Il devait sans doute à cette exceptionnelle abstinence la candeur de visage et d'âme qui était le charme le plus séduisant de sa personne. Le raffinement extrême de la pensée demeurait chez lui innocent et pur, au lieu de tourner à la corruption douloureuse, comme chez la plupart des grands artistes de ce temps qui ont tous, plus ou moins, connu la disproportion entre leur délicatesse d'intelligence et la grossièreté forcée de leur débauche. Seulement, car tous les états exceptionnels se payent tôt ou tard, cette façon de vivre avait conduit Sir Richard à une diminution, presque à un anéantissement, de ce que le langage commun appelle la sensibilité. Les personnes le laissaient presque indifférent. Il ne connaissait pas cette sorte de battement, charnel si l'on veut, mais si profond, de tout le cœur en présence d'un être. Par un inconscient égoïsme, il rapportait toutes ses impressions à son œuvre, et par suite, les créatures humaines qu'il rencontrait sur son chemin n'avaient pour lui qu'une valeur d'utilité intellectuelle. C'est dans un but de cet ordre qu'il s'était fait présenter à la villa des Cities. Il avait vu Noémie passer en voiture, et la rencontre de ce visage d'une idéalité de contour rendu plus séraphique encore par la torture intime, ce teint délicieux, comme d'une rose malade, ses yeux qui disaient une âme digne de ce visage, cet or fluide de ses cheveux qui se doraient encore au soleil, tous ces détails, d'une beauté si touchante, lui étaient apparus comme des motifs d'étude. Le désir de regarder de plus près cette forme toute voisine de son rêve d'art l'avait conduit à quelques démarches en dehors de ses habitudes. C'est ainsi qu'il entrait dans la vie de la jeune fille, à l'heure même où son genre de supériorité devait le rendre si dangereux pour ce cœur convalescent dont il allait, sans même s'en douter, faire à nouveau s'ouvrir la blessure.